Join me on RIG. Paul a marché, c'est un contrôleur de l'exo. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. Je crois que depuis que je fais la saga des Fab Four, c'est la première fois que je dis bonjour et non pas bonsoir. Oui, la saga des Fab Four, si vous la découvrez aujourd'hui, c'est une émission consacrée aux Beatles qui a lieu entre septembre et juin chaque année sur RIG, entre 20h et 22h, le mercredi soir. Mais là, exceptionnellement, aujourd'hui, c'est les 80 ans de Paul McCartney. On va d'abord lui souhaiter bon anniversaire. Bon anniversaire, Paul. Voilà, c'est fait. Et puis, on va aussi faire quelque chose que les autres radios ne font pas. Toutes les radios, là, j'ai écouté un petit peu en arrivant, passent un ou deux McCartney en disant bah, « Bon anniversaire, McCartney, 80 ans, c'est pas tous les jours. » C'est vrai. Eh bien, nous, on va consacrer 3 heures à Paul McCartney. 3 heures. Je ne rigole pas. Donc, j'espère que ça va vous plaire. J'espère, si jamais vous découvrez la saga, eh bien, sachez qu'il y a un groupe Facebook, La Saga des Fab Four, sur RIG... FM, www.rgfm.fr. Je vous invite à m'y rejoindre et je vais vous donner simplement le début, puisque j'ai décidé de faire du Paul McCartney, sauf en fin d'émission, on verra ça, du Paul McCartney après la séparation. Il y a quand même 50 ans, l'air de rien. 50 ans de musique après la séparation des Beatles, à partir de avril 1970. Donc, il y aura So Glad to See You Here, ça je ne pouvais pas mettre autre chose. Il y aura However Absurd, il y aura One of These Days, Maybe Baby, Through Our Love, tout ça c'est extrait So Glad de Back to the Egg, However Absurd de Press to Play en 86, One of These Days de McCartney 2 en 1980 qui marquait la fin des Wings, et Maybe Baby c'est une chanson issue d'un film en l'an 2000. Vous voyez, ça couvre toutes les années. McCartney est un génie de notre époque, un des derniers grands génies, et on va lui faire sa fête aujourd'hui, son anniversaire pour être plus exact. Donc j'espère que vous allez rester branchés sur RIG, c'est 90.7 pour ceux qui ont la chance de nous écouter dans la région. Mettez-vous bien au frais, hein, parce que là, dans le studio, il commence déjà à faire chaud. Et écoutez Paul McCartney dans son meilleur, une partie de son meilleur, 3 heures, c'est pas du tout suffisant, pendant 3 heures sur RIG. Voilà, c'est Thierry Gallet qui vous accueille jusqu'à 11 heures. So Glad to See You Here, une de mes chansons préférées de Paul. Yeah. McCartney a repris ses tournées, enfin, avec une voix, j'ai entendu, faiblissante, mais encore pas mal. Il a bien reposé sa voix. Mais ça n'est pas cette époque-là. En 1979, sur l'album Back to the Egg, imaginez-vous l'entrée du concert avec ça. Tellement content de vous voir ici. Ce serait un message absolument fabuleux qu'il aurait pu nous donner, Paul McCartney, en entrée de concert. Bref, cette chanson-là, la chanson suivante, However Absurd, elle n'a pas fait un hit. C'est sur un album qui s'appelle Press to Play. Mais c'est une chanson que j'adore parce qu'elle me rappelle dans son concept Hey Jude, c'est un sous-Hey Jude, c'est en tout cas très Beatlesque, j'oserais dire. Écoutez, However Absurd sur Press to Play. It's a feet are on the ground. I'm gonna look around and see what's right, see what's there. Paul McCartney en 1980 sur son deuxième album solo qui marquait la fin des Wings. L'album s'appelle McCartney 2. C'est sur cet album que vous avez la chanson Coming Up que vous devez connaître. Mais cette chanson, One of These Days, je la trouve très très jolie. C'est un album qu'il a conçu chez lui, comme il l'a fait pour le premier album McCartney en 1970, comme il le fera en 2020 pendant la pandémie, pour cet album qu'il a appelé McCartney 3. Qui ne marque pas la fin de McCartney, puisqu'il est sous son propre nom depuis 1980. Mais voilà. Tiens, à propos, puisque vous m'y faites penser, il va sortir dans quelques semaines, je pense, un coffret McCartney, McCartney 2, McCartney 3. Si vous voulez, si vous avez raté ces albums-là, des albums que Paul fait chez lui, tout seul, quasiment, eh bien, procurez-vous ces trois albums. Ils sont excellents, chacun à leur niveau. Évidemment, là, en 2020, la voix de Paul McCartney est plus fatiguée. Mais on prend tous de l'âge. Qu'est-ce que vous voulez, ma bonne dame, hein? Bon. En tout cas, tiens, puisque on prend l'âge, je pense à ceux qui ont l'habitude d'écouter l'accordéon avec Henri et Maïka. Je le souhaite d'ailleurs, donc, comme je l'ai dit avant de prendre l'antenne, un bon rétablissement. Et ça tombe bien quelque part que je puisse occuper son temps d'antenne pour pouvoir fêter les 80 ans de Paul McCartney. Merci Henri. Merci Maïka. Et pour rappeler sa jeunesse à Henri, peut-être dans les années 80, quand il avait, je ne sais pas, une quarantaine d'années, peut-être, non, moins que ça, une trentaine d'années, quelque chose. Voici un bon rock'n'roll. Maybe Baby, ça date des années 50, mais ça a été refait en l'an 2000 avec Jeff Lynne du groupe Electric Light Orchestra. Paul McCartney sur RIG. Si vous voulez avoir des renseignements, ça c'est un conseil de la saga des Fab Four, si vous voulez avoir des renseignements sur les sorties des albums de Paul McCartney, mieux que je ne saurais vous en donner moi-même puisque je le puise sur ce site-là. Je vous conseille d'aller voir le site de Lovely Rita, c'est le meilleur site pour tout savoir sur les Beatles. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres, et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur beatlesmagazineuk.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur Beatles Magazine, uk.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. Allez, on fête les 80 ans de Paul McCartney sur RIG. C'est exceptionnel. Seule cette radio vous propose 3 heures de Paul McCartney de 8h à 11h. C'est aussi l'anniversaire de Patrick. Bon anniversaire, Patrick. C'est ton anniversaire, c'est le mien aussi. Non, pas le mien, pas encore. d'habitude, hein, le samedi matin, on va se calmer. We wasted time and again on things we already knew. Fun to do, I give my love to you. Whenever you get some time, whenever you get some time, I'd like to roll it all up in a ball and spend it with you. You've got the power of love, and love has the power to make it come true. We can go through our love. McCartney sur RIG 90.7. Très belle chanson de 1983 sur l'album Pipes of Peace. L'année suivante, Paul McCartney a voulu essayer de faire plaisir, on va dire quelque part, puisqu'il avait fait avec les Beatles l'album Magical Mystery Tour et le téléfilm, on va dire, Magical Mystery Tour. Il va essayer de faire Give My Regards to Broad Street, un film au cinéma qui va faire un flop. Bah oui, un flop chez McCartney, ça arrive quand même, malheureusement. Mais néanmoins, la bande-son est plutôt sympa, puisqu'il revisite des chansons des Beatles, et il met deux, trois chansons à lui, toutes récentes. Et je vous propose une version de The Long and Winding Road, qui date de Give My Regards to Broad Street, avec une petite différence, vous allez juger, c'est en 1984, et j'aime beaucoup cette version, peut-être pas pour la batterie, mais pour ce qu'il a rajouté. Ça, le solo au saxo. Thank you. winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. Many times I've been alone. Many times I cried. Anyway, you'll never know. Many ways I tried. But still there. Time ago, don't keep me waiting here. Lead me to your door. Listen to me, we can give it a try. I'll look you straight in the eye and pull you to me. What I'm gonna do next, I'll even tie it to your imagination. Do you hear me? If you don't understand, I'll take a hold of your hand and pull you near me. What I'm gonna do next, I'll even tie it to your imagination. I can bet you'll never guess. I can bet that you'll never guess. Oh no. Come and feel it. We can give it a go. But if you'd rather not grow, I won't reveal it. C'est un horaire et un jour inhabituel pour la saga des Fab Four. Habituellement, c'est le mercredi entre 20h et 22h et entre septembre et juin de l'année suivante. Mais là, exceptionnellement, j'ai reçu l'autorisation de vous proposer 3 heures d'émission entre 8h et 11h sur Paul McCartney pour fêter ses 80 ans à Paul McCartney. Et également, c'était aussi parce que Henri et Maïka ne sont pas présents pour leur émission d'accordéon. Donc évidemment, ça me fait rire à chaque fois parce que je les connais, ils sont gentils comme tout. Et ça doit vous changer l'auditoire habituel si vous écoutez pour la première fois. Ne partez pas, vous allez découvrir que McCartney a fait beaucoup plus de belles chansons que vous le pensez. Et restez là, puisque ces 3 heures de McCartney, c'est une légende vivante. Il a 80 ans. Et on va revenir en 1984, je vous ai dit il y a quelques minutes que sur l'album Give My Regards to Broad Street, il avait mis des chansons des Beatles à la sauce des années 80, mais également il avait incorporé des chansons à lui, des chansons nouvelles. La seule petite nuance sur ces chansons-là, c'est qu'il a voulu les faire dans les conditions du direct, c'est-à-dire une seule prise, on y va tous ensemble, allez c'est parti. En voici une, Not Such a Bad Boy, en 84, sur RIG. RIG, c'est vraiment la radio des Beatles. Bon anniversaire, Paul McCartney. I'm

Proposer une démo pour changer un petit peu. La démo que vous retrouvez sur l'album Flaming Pine, mais la ressortie en coffret, bien entendu. Alors, quelquefois, vous pouvez me faire le reproche. Oui, mais Thierry, tu passes des chansons que l'on ne connaît pas. Alors, en 1976, sur l'album At the Speed of Sound, ne me dites pas que vous n'avez jamais entendu ça. Et je compte sur vous pour le refrain. C'est simple, c'est I love you. Silly love songs. On lui a dit, t'en as pas marre de faire des petites chansons d'amour, il avait. Ben non, et il en a fait une chanson. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. I'd like to know, 'cause here I go again. I love you. I love you. We'll be right back. Oh, 2013, Paul McCartney sur l'album New, Everybody Out There. Ce qui est assez étonnant, c'est que cette chanson, alors a été matraquée, c'est peut-être tout relatif, mais on l'a beaucoup entendue sur les radios. Et moi, quelquefois, quand j'entends une chanson beaucoup, je m'en lasse, surtout quand elle est bien, mais j'ai envie d'en écouter d'autres. Et celle-ci, il y avait un petit moment que je n'avais pas passé dans la saga des Fab Four, et ça m'a rempli de joie. La preuve, j'ai toujours mon casque sur les oreilles et j'ai chanté la chanson aussi. Heureusement pour vous, les micros fermés. Thank you. didn't want to be misunderstood. On the rough ride to heaven, want to be inside. What did I do? Hope you understand. I'm not after any special treatment, but I wouldn't mind a hand on the rough ride. Chanson de ça, c'était Too Much Rain sur l'album Chaos and Creation in the Backyard en 2005. Et puis à l'instant, cette chanson Rough Ride sur l'album Flowers in the Dirt en 1989. Flowers in the Dirt, c'est l'album du retour de Paul McCartney sur scène. Et moi, je l'ai vu pour la première fois en 1989, du haut de mes 25 ans à cette époque-là. Je m'étais dit, il se débrouille pas mal le vieux pour 47 ans. Maintenant que j'en ai 58, je voudrais me donner des baffes à ce Thierry de 25 ans, parce que 47 ans, ça n'est pas vieux. Et donc c'était normal qu'il ait une belle voix, c'était normal qu'il était en bonne condition physique, etc., etc. Mais quel album, et puis quel spectacle en 1989. C'était la première fois qu'on le voyait chanter la face B d'Abbey Road, même des chansons Hey Jude et tout ça, il ne l'avait pas chanté encore sur scène jusqu'à cette époque-là. C'était fantastique. Je me disais, je suis en face de celui qui a créé ça. Je me disais, je peux mourir. Bon, j'ai eu raison de continuer à vivre parce que sinon, je vous proposerai pas cette saga des Fab Four qui existe depuis 1984. Là, c'est un one shot ce samedi parce que c'était l'occasion qui s'y prêtait, mais on se retrouvera au mois de septembre pour, attention, serrez-vous et puis tenez-vous bien, la 39e saison de la saga des Fab Four. Ah oui, quand même, ça marque son homme. Je voudrais être un peu le Michel Drucker de RG. Vous êtes bien sur RG 90.7. Voici la chanson qui arrive, Coming Up. C'est en 1980. Ceux qui comprennent l'anglais ont tout à fait compris mon jeu de mots. Cette chanson-là, même John Lennon avait dit, il a eu le temps de l'entendre, c'est du bon boulot, Paul. RG 90.7, la radio des Beatles. Hello, this is Paul McCartney. When the sky is filled up with storms and heavy rain, and trouble starts sliding across the mind, it's hard for me to see which road I've gotta take. I know I need to find a way to leave it all behind. Let it shine on, let it shine on. Let the light from your lighthouse shine on me. Let it shine on, yeah, let it shine on. Let the lights from your lighthouse shine on me. And when the light is filled up with storms and heavy rain, and trouble comes sliding across my mind, it's hard for me to see which road I'm gonna take. I'm gonna need to find a way to leave it all behind. Let's shine on, let's shine on. Let the lights from your lighthouse shine on me. Let's shine on, yeah, let's shine on. Let the lights from your lighthouse shine. Sur aucune autre radio, vous entendrez ces titres-là pendant 3 heures de Paul McCartney pour fêter ses 80 ans. Vous pouvez chercher, même dans les grandes radios, personne, seulement RIG sur 90.7 et sur www.rigfm.fr. Nous étions en 2008 sur l'album Electric Argument, l'album connu sous chanté par The Fireman, qui en fait est Paul McCartney. Nous revenons en 1971 sur l'album Wildlife, le premier album officiel des Wings, avec ce titre, un morceau dans lequel nous sommes au début de la séparation des Beatles, donc il y a encore des rancœurs quelque part. Eh bien, Paul McCartney tend la main vers son pote John. C'est Dear Friend. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? Ce rock qui défonce tout vous était offert par Paul McCartney en 1999 sur l'album Run Devil Run. Aujourd'hui sur RIG, exceptionnellement, il y a une saga des Fab Four qui en principe a lieu entre septembre et juin de chaque année le mercredi entre 20h et 22h. Mais là exceptionnellement c'est aujourd'hui ce samedi 18 juin. Pourquoi ? Parce que Paul McCartney fête ses 80 ans et on a décidé dans la saga de vous proposer 3 heures d'émission entre 8h et 11h en remerciant Henri de nous avoir cédé son temps d'antenne et en lui souhaitant un bon rétablissement. Et je vous propose de passer de McCartney de 1999 à McCartney 2020. Je vous ai dit hein, il y a quelque temps déjà qu'il sortait un nouveau coffret regroupant le McCartney 70, le McCartney 2 de 1980 et le McCartney 3 de 2020. Voici un extrait du McCartney 3 de 2020, donc chanson faite pendant le confinement chez lui. Une chanson qui, dans le refrain, sonne pas mal Beatles, je trouve. Mais comme il l'avait dit en 1989, s'il y a des gens qui ont le droit de sonner Beatles, c'est bien ceux qui ont fait partie des Beatles. Donc maintenant, il ne reste plus que deux. Il reste Paul McCartney et Ringo Starr. Mais McCartney, oui, il a le droit de faire du Beatles si ça lui fait plaisir. Voici Seize the Day sur RIG. Quite a show, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos, content frozen ice. When the cold days come and the old ways fade away, there'll be no more sun, and we wish that we had held on to. The day. I don't mean

Vous avez remarqué, pas beaucoup de précisions sur les chansons, etc. C'est normal, j'essaie de vous passer un maximum de chansons. On reste sur le même album avec la chanson Take It Away sur RIG. Je pense qu'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Paul McCartney, c'est sa constance, le fait qu'il cherche toujours à faire des musiques différentes et qu'il y arrive, il est caméléon, il réussit partout. En 1970, vous ne pouvez pas être passé à côté de cette chanson. Amazed at the way you love me all the time. Bien sur RIG et Henri et Maïka ont leurs fans, puisque je viens de recevoir un appel. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de l'accordéon? Oui, c'est vrai, habituellement le samedi c'est de l'accordéon, mais Henri est malade actuellement et on lui souhaite d'ailleurs un très prompt rétablissement. Et c'est exceptionnel, comme ce sont les 80 ans de Paul McCartney, j'ai reçu l'autorisation de prendre sa place exceptionnellement. Habituellement l'émission de la saga des Fab Four c'est le mercredi entre 20h et 22h, et là on se permet un one-shot, donc une seule émission qui aura lieu, parce que ce sont les 80 ans, voilà. Donc vous retrouverez, je l'espère bien, Henri dès qu'il ira mieux. Et on lui souhaite donc, on lui fait de grosses bises, nous, depuis les studios de RIG. Voilà, RIG, c'est 90.7 et c'est la radio des Beatles. Ah, ça change, le samedi matin, pour une fois. Paul McCartney, il le chante. Sing the Changes sur RIG.

sing when this broken world mends its foolish ways. Then we'll spend our days catching up on life. Rafraîchissant dans cette période de canicule d'écouter de la bonne chanson comme ça. Jenny Raine en 2005 par Paul McCartney sur l'album Chaos and Creation in the Backyard. Et auparavant, c'était toujours Paul McCartney, alias Monsieur the Fireman, sur l'album Electric Arguments en 2008, donc un peu après. Et c'était Sing the Changes. Nous restons avec Paul McCartney puisque nous fêtons ses 80 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Paul. Si tu nous écoutes, j'en suis persuadé, tu dois connaître RG, tu dois connaître la saga des Fab Four. Voici un autre titre, extrait de l'album McCartney 3, le dernier en date pour l'instant, Lavatory Lil sur RG. Look out for Lavatory Lil. Look out for Lavatory Lil. You think that she's a winner when she's cooking you your dinner, but she really moving in for the kill. Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. Watch out for Lavatory Lil. She says it's hunky-dory when she's telling you a story, but she really thinks you're making her ill. Lavatory Lil. Saw it coming at you, you look the other way, but it isn't easy when she rolling in the hay. McCartney en 2001 sur l'album Driving Rain avec Magic, qui nous parlait de sa première femme, Linda, première mariée, puisqu'avant il y a eu Jeanne Asher, il y en a peut-être eu d'autres aussi. Mais je suis un peu plus au courant de la musique que Paul McCartney a pu faire que de ses aventures amoureuses. Ça, je dois avouer que je lui laisse. Voilà, hein, c'est normal quand même. On revient en arrière, si vous le voulez bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix, parce que c'est moi qui suis aux commandes. Avec un titre qui date de 1973 sur l'album Red Rose Speedway. C'est un titre très tranquille, très cool, que j'adore. Il dure 6 minutes 23. C'est Little Lamb Dragonfly sur RIG. freedom fly. Fly by my window. Ce que j'aime chez vous, les fans de la saga des Fab Four, c'est que vous êtes très réactifs. Alors je vais remercier Fabrice qui, sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, m'a proposé, pour les habitués de l'accordéon du samedi matin sur RIG, un titre de Paul McCartney dans lequel on entend de l'accordéon. C'est sur Million Miles, mais auparavant, il faut écouter After the Ball. Eh bien, c'est pas grave, on va l'écouter tout de suite parce que c'est une excellente chanson, extrait de mon album Chouchou, l'album Back to the Egg. Merci pour la suggestion, Fabrice. After the ball, you in the hall, you were the one, the one who would love me after the ball. Petit clin d'œil aux auditeurs habituels de Henry et de Maïka avec le côté accordéon de Paul McCartney. Riding upon his back, how come the water Bicycles for two, broken hearted jubilee, parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree.

Sur la rocade bordelaise, par exemple, ou ailleurs, et que vous trouvez qu'il fait très très chaud, il ferait 29 degrés, encore moi je suis dans le studio avec un ventilateur à fond, mais vous découvrez peut-être cette musique, c'est Paul McCartney. Paul McCartney, sur son avant-dernier album en date pour l'instant, l'album c'est Egypt Station, et le morceau que vous venez d'entendre, c'est un mix entre Station 2, que l'on entend avant, forcément, que j'ai rajouté, et un medley qui s'appelle Aren't You Down, Naked Ceiling, que vous venez d'entendre à l'instant. Et Paul, si jamais tu avais l'idée de faire ça en live, ça donnerait quelque chose d'absolument fantastique. D'ailleurs, sur Facebook, il y a certains d'entre vous qui ont mis le son à fond. Oui, mais le son à fond pour celle-ci aussi. Et en live, ça donnerait bien. Old Siam, Sir. surérigé dans la saga des Fab Four sur l'album Back to the Egg en 79. Le meilleur de Paul McCartney pour fêter ses 80 ans, c'est maintenant. Oh, Paul McCartney est un caméléon. Lorsqu'il veut imiter John Lennon, il y arrive, il prend la voix en écho, et le style également, et même le riff de guitare qui ressemble à du Lennon. Ma sœur, qui est plus âgée que moi, m'a dit que lorsque cette chanson-là est sortie en 1973 sur l'album Ben on the Run, au début à la radio, les gens pensaient que c'était Lennon. Et non, ça n'est pas John Lennon, c'est Paul McCartney. Il faut écouter ce que l'animateur dit. All right, okay. Very good to see down New Orleans, man. Yeah, here we, yeah, yeah. Listen to what the man said. Oui, c'est pour les ceux qui comprennent l'anglais. C'est Paul McCartney encore. En 1975, sur l'album Venus and Mars. Enjoy, nous fêtons les 80 ans de Paul McCartney. Anytime, any day, you can hear the people say that love is blind. Well, I don't know, but I say love is kind. That people will find a way to go no matter what the man says. Love is fine for all we know. For all we know, our love will grow. That's what the man says. So won't you listen to what the man says? He said. Come on to my place if you want. to. You can do anything you want to do. Everybody's gonna dance tonight. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come over to my place if you want to. You can do anything you want to do. Tonight, everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna dance around tonight. Everybody's gonna feel alright. Encore une belle surprise qui date de 2008 sur l'album Memory Almost Full de Paul McCartney. On arrive déjà bientôt à la fin. Finalement, qu'on fasse 2 heures ou qu'on fasse 3 heures, ça passe vite. Encore 20 minutes et on va rendre l'antenne à l'heure. I look high, I look low, I'm looking everywhere I go. Looking for a home in the heart of the country. time itself is falling. Romantique de Paul McCartney, Warm and Beautiful, en 1976 sur l'album At the Speed of Sound. Un an avant, c'est You Gave Me the Answer sur l'album Venus and Mars. Vous êtes sur RIG jusqu'à 11h, c'est encore la saga des Fab Four.

déjà. Voilà, je suis très déçu de ne pas avoir eu à disposition 6 heures pour vous montrer au moins une partie de l'essentiel de Paul McCartney, même après la séparation, et encore plus avec les Beatles. Allez, 9 heures, allez, 24 heures pour pouvoir vous proposer vraiment du... une partie de tout ce que j'adore chez Paul McCartney. On se retrouvera, parce que c'était un one shot, c'était exceptionnel aujourd'hui. On se retrouvera au mois de septembre, le premier mercredi du mois de septembre, entre 20h et 22h, pour une nouvelle saison de la saga des Fab Four. Merci à la patronne de la radio de m'avoir permis de faire cette émission exceptionnelle ce matin par rapport à l'habitude. Je n'ai jamais fait la saga des Fab Four le matin, c'est un samedi, ça me paraît bizarre. Et un bon courage pour Henri, qui m'a cédé aussi involontairement son émission puisqu'il est malade. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Et on vous dit à la prochaine fois. Passez un bon été, faites gaffe, hydratez-vous, parce que la canicule c'est aujourd'hui. Là, quand je vais ressortir, il va faire au moins 29 degrés. Et je vous assure que dans le studio, il ne fait pas froid. À très bientôt, ciao.